Chapitre deuxième. Le lendemain, pendant le dîner, Madame Frouget se fit faire par Camille un relevé exact de ses occupations. La jeune fille donnait des leçons dans quelques familles, nombreuses pour la plupart, de manière à avoir plusieurs heures d'occupation de suite dans la même maison. Cet arrangement était le seul, du reste, qui eût obtenu l'assentiment des époux Frouget lorsqu'ils avaient accueilli chez eux Camille orpheline et sans fortune personnelle. Les leçons avaient été trouvées par de vieux amis dans des conditions exceptionnelles qui permettaient à la jeune fille de se glorifier de son indépendance tout en obtenant le refuge et la protection du foyer de famille. Le revenu qu'elle lui procurait lui permettait d'offrir à ses parents quelques gâteries et de subvenir aux besoins de sa modeste toilette. Mais là n'était pas leur attrait principal. Comme l'avait deviné la tante Belle, Camille s'ennuyait cruellement dans cet intérieur bourgeois. Elle rêvait autre chose. Une existence, sinon plus romanesque, au moins plus mouvementée, dans un cadre moins mesquin, au milieu d'une société plus moderne. Ses leçons la plongeaient pour quelques heures dans ce milieu rêvé, c'était assez pour les lui rendre chères. Camille n'était point passionnée pour son art, dont elle avait fait un métier. D'autres trouvent dans la musique de quoi remplir leur vie, satisfaire leurs besoins d'idéal. Ce n'était pas le cas pour la jeune maîtresse de piano. Elle donnait de bonnes leçons parce qu'elle était naturellement consciencieuse et aussi parce que son sentiment artistique n'était pas assez développé pour la faire souffrir des erreurs de ses élèves. Avec une patience imperturbable, elle relevait les fautes et marquait la mesure. Elle respectait assez les maîtres pour ne permettre aucun changement au texte imprimé. Mais si ce texte portait une fausse note, fruit d'une faute d'impression, elle n'était pas de ceux qui osent réparer l'erreur. L'élève et la maîtresse jouaient 100 fois la même sonate, sans s'apercevoir qu'il fallait un dièse, là où le graveur avait mis un bémol. Camille était généralement aimée. Son indifférence pour tout ce qui ne la concernait pas directement se cachait sous une politesse souriante qui n'était pas une feinte. Elle considérait l'amabilité comme un devoir, et à ce titre l'exerçait largement. Elle eût été bien surprise si quelqu'un l'eût accusé d'égoïsme. De l'égoïsme, elle, grand Dieu, ne passait-elle pas sa vie à se préoccuper des moyens de n'être à charge à personne? Ne gagnait-elle pas toute seule son pain quotidien et quelque peu davantage? Qui donc sur la terre avait eu de plus belles aspirations? Qui avait plus rêvé de se consacrer au bien-être des autres? Personne, assurément. Mais il y avait 7 ou 8 ans que ses rêveries philanthropiques avaient remué le cœur de Camille, et depuis, frappée par une douleur intense, imprévue, elle avait peu à peu délaissé les chagrins des autres pour soigner son propre cœur endolori. Devenue orpheline en 1871, elle avait quitté la petite ville de Saint-Martin-les-Mines, dans les Ardennes, pour venir demeurer avec Monsieur et Madame Frouget. Elle avait apporté à sa province quelques ridicules dont elle s'était vite débarrassée et une étroitesse d'esprit qui devait durer plus longtemps. Cependant, l'usage avait poli ses dehors et son désir de plaire l'avait rendue plus sociable même au fond de son âme. Néanmoins, avec de grandes qualités, un solide amour du devoir, un culte enthousiaste pour la vertu, Camille vivait repliée sur elle-même. Elle n'était pas heureuse et ne savait pas donner le bonheur aux autres. Quand Madame Frouget se fut assurée que sa nièce ne connaissait personne qui pût apporter un élément à la société qu'elle voulait attirer dans sa maison, elle lui fit part de son désir de recevoir quelques amis. « Penses-tu que cela t'amuse ?» demanda timidement la bonne dame après avoir exposé ses plans à la jeune fille. « Mais certainement, ma tante, » répondit Camille en souriant. « Vous vous faites mondaine. Mon oncle veut redevenir la fleur des pois. Ce sera très amusant. »« Vous êtes une gamine, mademoiselle, » fit l'oncle enchanté de la voir sourire. « Vous ne respectez rien. C'est pour vous et non pour nous que nous nous proposons de rentrer dans la société. »« Pour moi, mon oncle, » dit aussitôt la jeune fille en redevenant grave. « Je vous en prie, n'en faites rien. » « C'est très sérieusement que je vous en prie. Je ne veux gêner personne. Ne changez rien à vos habitudes. Je serais désolé de vous causer la moindre peine et... »« Ton oncle plaisante, Camille, » interrompit la tante Belle en jetant un regard de reproche à son époux déconfit. « C'est moi qui ai trouvé notre existence bien monotone et qui me suis proposé de l'égayer un peu. En vieillissant, je me lasse de voir toujours les mêmes objets, les mêmes visages. Nous donnerons donc une soirée jeudi prochain. Connais-tu quelqu'un que tu voudrais inviter ?» « Non, non, ma tante, » répondit laconiquement Camille. Elle resta silencieuse toute la soirée et les jours suivants, Madame Froger dut s'occuper seule des préparatifs de sa petite soirée. Le jeudi venu, cependant, Camille disposa elle-même les petits gâteaux dans les assiettes et voulut faire luire la vieille argenterie qui datait de la restauration et ne sortait guère. La pince à sucre classique, avec ses griffes de lion, fourbies, étincelantes, trôna en équilibre sur le sucrier et les tasses se rangèrent en ordre de bataille sur le buffet. 8 heures sonnaient au moment où Camille se pencha vers son miroir pour l'interroger une dernière fois. Elle avait beau vouloir traiter légèrement l'idée de ses parents, la pensée que cette fête lui était consacrée à elle seule faisait monter à son visage une légère rougeur de satisfaction. Après tout, il était fort doux de se sentir la reine de la soirée, et c'était un plaisir sur lequel elle n'avait pas eu le temps de se blaser. Dans la petite ville de Saint-Martin, où elle avait passé les premières années de sa jeunesse, son père n'avait ni assez de fortune ni assez d'influence pour mettre la jeune fille en évidence. Elle passait pour une des plus jolies personnes du pays, mais qui, grand Dieu, se fût avisé de donner un bal en son honneur. Il y a quelque chose de magique dans la pensée qu'on dérange les gens pour soi, que pour soi les bonnes des autres ont cherché des voitures en maugréant, que pour soi la modiste est grondée et la blanchisseuse rembarrée d'importance, que pour soi le pâtissier convoqué arrive en courant avec une corbeille en équilibre sur son toquet blanc, que les tables se déploient, les bougies s'allument, les chaises s'alignent le long des murs, le tout en l'honneur d'un visage blanc ou mat, d'une paire d'yeux bleus, gris ou noirs. Quand on est la fille d'un ministre, on dérange 3 000 personnes et l'on fait dépenser 50 000 francs. Quand on est Camille Froger, la dépense est moindre, le dérangement aussi, mais le plaisir est probablement le même. Camille vit dans son miroir un front pur, un peu étroit peut-être, des cheveux bruns ondés, des yeux bleus foncés magnifiques et très variables dans leur expression qui les faisait parfois changer de couleur, depuis le bleu presque noir des mers orageuses jusqu'à l'azur céleste des pervenches. Les traits étaient réguliers et le sourire triomphant qui apparut sur ce beau visage lui donna ce qui lui manquait le plus souvent, une expression joyeuse et vivante. La jeune fille était vêtue d'une robe de laine grise. La simplicité la plus austère présidait toujours à sa toilette. Cependant, elle avait posé un petit bouquet de roses de mai dans ses cheveux et un autre à son corsage. C'était le seul luxe qu'elle voulait se permettre. Le diable n'y perdait rien, le lecteur put en être convaincu. Elle entra dans le salon au moment où sa tante, inquiète de ne pas la voir apparaître, s'efforçait de tenir tête à 2 visiteurs à la fois, tâche évidemment au-dessus de ses forces. Camille s'assit en face d'elle, et après les 30 secondes d'embarras indispensables à toute présentation, Madame Froger fut surprise de la voir si au courant de ce qui se dit et se fait dans ce grand Paris qui lui était à elle si singulièrement étranger. On peut habiter Paris et n'en rien connaître. C'est un des points qui le rendent supérieur ou inférieur, comme on voudra, à la moindre ville de province. Madame Froger demeurait dans l'île Saint-Louis depuis 22 ans, et c'est à peine si elle en était sortie 22 fois. Il est des coins bénis où l'homme sédentaire peut se faire un nid et vivre étranger à toute chose. L'île Saint-Louis est de cela, et ce n'est pas son moindre charme. Aussi, quel étonnement pour la bonne dame que d'entendre Camille parler des nouvelles voies de communication du boulevard Saint-Germain, de la prochaine exposition, des tramways à vapeur. « Tu vas donc dans tous ces machins-là ?» demande avec horreur Madame Froger au moment où un coup de sonnette lui annonçait un nouvel arrivé. « Il le faut bien, ma tante, » répondit Camille avec un sourire modeste et un peu mélancolique. « Sans cela, je ne pourrais jamais aller donner des leçons si loin. » L'interlocuteur de la jeune fille la regarda avec curiosité. C'était un homme de 45 ans environ, mais qui paraissait, suivant l'expression vulgaire, jeune pour son âge. Tout le monde a vu de ces hommes droits et bien faits, à la démarche militaire, avec un peu d'embonpoint général qui n'affecte point le torse en particulier. Les cheveux se font rares, voire même grisonnants sur les tempes. Mais le teint est frais, l'œil vif, la démarche agréable, encore qu'un tant soit peu pesante. Somme toute, ce sont de beaux cavaliers et, comme mari, très recherchés sur la place. Celui-ci était sous-chef de bureau dans un ministère et en passe d'arriver beaucoup mieux, car il était fort appuyé. Entre eux, ces messieurs disent « fort pistonné ». mais ce terme expressif ne doit point faire partie de la dernière édition du dictionnaire de l'Académie. Comment Gustave Mirmont se trouvait-il invité au Boston de Madame Froger? Ce ne serait inexplicable s'il n'avait été autrefois un des plus brillants élèves du digne professeur. Celui-ci, sans se douter de ce qu'il faisait, l'avait si bien recommandé, si chaudement appuyé, que la recommandation de Sébastien était devenue la fortune de Mirmont. Il y a de ces mystères dans les destinées. Un vieux bonhomme vante son élève, un ministre passe par là, une place est vacante et le tour est joué. Ce n'est une affaire ni de mérite, ni d'intrigue, c'est une combinaison de hasards heureux. Mirmont ne croyait pas au hasard heureux. Peut-être est-ce pour en avoir trop fait naître dans sa vie. Toujours est-il qu'il avait cru au bonhomme Froger infiniment plus de pouvoir et d'habileté que n'en possédait le vieux professeur. Et cette erreur avait valu à celui-ci bien des politesses dont, mieux renseigné, le fonctionnaire se fut dispensé. Mirmont tenait à être délicat, reconnaissant, généreux et bon. Aussi, au 1er janvier, Madame Froger recevait-elle régulièrement un sac de marrons glacés et son époux un pot de tabac prisé, râpé spécialement pour lui à la manufacture des tabacs, où Mirmont avait des relations d'un ordre supérieur. Camille répondit au regard de Mirmont par un sourire qui signifiait « Mon Dieu, oui, monsieur, je vais en tramway et je donne des leçons de piano. Vous voyez que malgré cela, on peut être très joli et pas trop mal élevé ?» Si Camille avait été une jeune fille comme toutes les autres, grandie au sein de sa famille, munie d'une dot convenable et accoutumée à ne faire œuvre de ses 10 doigts, Gustave Mirmont ne se fût probablement pas occupé d'elle. Ce beau célibataire avait patiemment attendu une position qui lui permît de faire un brillant mariage et se sentait assez de patience encore pour attendre plus longtemps. Mais Camille gagnait son pain quotidien. Camille, indépendante et surtout seule, devenait un sujet d'étude fort intéressant. Mirmont avait toute une théorie à l'endroit des jeunes filles qui subviennent à leurs besoins. Cette théorie n'était pas à sa louange, il faut l'avouer. Mais Mirmont, tout en s'inclinant devant tout ce qui veut que l'on s'incline, avait une âme profondément sceptique. Camille n'était pas une ingénue, dans le sens usuel du mot. On ne bat pas impunément le pavé de Paris pendant plusieurs années. La plus honnête des femmes finit un jour ou l'autre par s'entendre dire qu'elle est jolie, sous une forme plus ou moins précise. Elle lut fort bien sur la physionomie du fonctionnaire l'impression que ses paroles l'avaient produite, et une sourde colère se leva dans son cœur. Pourquoi se permettait-il de la mépriser, cet homme qui ne la connaissait pas? De quel droit pensait-il qu'elle fût moins respectable qu'une autre jeune fille? La pensée d'humilier cet homme devant lequel Camille venait de se sentir humiliée germa soudain et grandit dans son cœur. « Vous serez bien forcé d'être respectueux, si je le veux, » dit-elle intérieurement à ce beau célibataire correct. « Je pourrais, les circonstances aidant, vous rendre malheureux ou ridicule. » Elle se leva sans affectation et rejoignit sa tante. Mirmont put admirer l'aisance de ses mouvements, la grâce de sa démarche, les plis charmants que formait sur son corps admirable le cachemire gris, serré suivant la mode du jour. Il put admirer aussi les riches torsades de ses cheveux, auxquels la jeune fille n'ajoutait point de nattes empruntées, l'éclat de son teint, la douceur de ses yeux et l'affabilité de son sourire. Il put admirer tout cela à l'aise, car plus de 2 heures s'écoulèrent avant qu'il pût échanger un mot avec Mademoiselle Froger, qui semblait avoir oublié son existence. Le thé avait fait son apparition avec les petits gâteaux. Madame Froger, essoufflée et ravie, constatait avec joie qu'il y avait assez de tout, lorsqu'une vieille dame de Saint-Martin, assise à une table de jeu, dit soudain à Camille, en abattant ses cartes. « Et votre amie, cette petite logée qui avait épousé un monsieur Bricard, un ingénieur, si je ne me trompe, qu'en avez-vous fait, Camille ?» La jeune fille sentit tous les yeux se tourner vers elle et spécialement ceux de Mirmont. Surmontant une sorte de crampe qui venait de lui serrer la gorge, elle répondit d'une voix assurée, bien qu'un peu rauque, « Je n'en ai rien fait du tout, chère madame. Il y a 3 ans que je n'ai eu de ces nouvelles. « Je puis vous en donner, si vous le désirez, » reprit un vieux monsieur qui jouait l'écarté avec l'ex-professeur. « Ma nièce a eu l'occasion, l'année dernière, de se lier avec la jeune madame Bricard, qui est tout à fait charmante, paraît-il. C'était à Saint-Martin, où ma nièce est allée prendre les eaux. Vous avez des eaux minérales, n'est-ce pas ?» Oui, monsieur, répondit Camille de la même voix. Eh bien, continua l'impitoyable ravageur, sans se douter du supplice qu'il infligeait à la jeune fille, ma nièce a conservé une correspondance avec Madame Bricard, et j'ai appris ces jours derniers que M. Bricard a reçu sa nomination à Paris, à l'école centrale. Si jeune, s'écria M. Froger, mais il n'a pas 35 ans. C'est un jeune homme d'une valeur exceptionnelle, à ce que j'ai entendu dire. On assure qu'il mérite cette distinction flatteuse. Mais tu dois le connaître, Camille, demanda M. Froger en se tournant vers sa nièce. Tu étais l'ami intime de la petite logée, tu dois savoir quelle espèce d'homme est M. Bricard. Est-il bien ? Comment l'entendez-vous, mon oncle ? Demanda la jeune fille de la même voix tranquille et voilée. Ce n'est pas de sa figure que je parle, reprit le vieillard en riant. Nous savons que les ingénieurs sont tous jolis garçons. C'est de son mérite. Qu'en pensait-on à Saint-Martin ? Camille leva les yeux sur l'assistance. Tous ces provinciaux de Paris attendaient sa réponse comme un événement. Le coup d'œil que lui jeta Mirmont lui parut plus investigateur que ne le permettait la bienséance. Elle arrêta sur lui son regard froid et indifférent. Une tension de volonté extraordinaire lui permit d'éclaircir sa voix et de parler nettement. « Monsieur Bricard passait à Saint-Martin pour un homme sérieux, instruit et fort capable. C'est son mérite qui lui a fait obtenir la main de Mademoiselle Loger, qui était riche, tandis qu'il n'avait pas de fortune. Je n'ai jamais entendu dire de lui que du bien. » Elle se détourna comme pour indiquer que ce sujet était épuisé. Les conversations reprirent leur cours, mais elle n'entendait plus rien. L'idée que Paul Bricard allait venir à Paris mettait dans son cerveau une sorte de brasier qui lui faisait mal. Le vieux monsieur, dont la nièce était allée aux eaux de Saint-Martin, l'arrêta comme elle passait auprès de lui. « Madame Bricard doit être à Paris en ce moment, lui dit-il. Puisque vous êtes son amie, vous serez bien aise de la voir, je suppose. » Elle doit descendre au tel Louvois et compte s'installer définitivement ici. Elle a même amené son petit garçon. « Ah ? » fit Camille, le cœur serré. « Ils ont un fils ? Un enfant superbe, à ce que dit ma nièce. N'oubliez pas, au tel Louvois, vous savez, la place où il y a une fontaine. Je vous conseille de l'écrire. »« Je m'en souviendrai, » répondit Camille. « Ils ont un fils. De quel âge ? 2 ou 3 ans. » Camille se glissa hors du salon et s'arrêta dans la salle à manger, déserte et moins éclairée. La fenêtre ouverte recevait la clarté de la lune dans son plein. Camille s'approcha de la large baie et posa ses deux mains sur la barre d'appui. « 3 ans, murmura-t-elle, un fils de 3 ans. Heureuse épouse, heureuse mère et moi. » Elle se roidit douloureusement en arrière, tordant ses mains sur la barre froide, et s'efforçant de ne pas crier sous l'angoisse qui serrait son cœur dans un étau. « Rien, rien, jamais, » dit-elle tout bas d'une voix étouffée, et ses mains retombèrent molles et inertes le long de sa robe, comme après une convulsion. « Pourvu que je ne la revoie pas, surtout. Tout ce que vous voudrez, mon Dieu, mais pas les revoir !» Ce fut presque un cri qu'elle laissa échapper. Effrayée de sa propre voix, elle se retourna. Personne n'avait entendu, elle était seule. Passant rapidement sa main sur ses yeux secs et brûlants, elle se dirigea vers le salon. Près de la porte, elle rencontra Mirmont qui, cette fois, évita de la regarder. Presque sûre qu'il l'avait observée, ce fut elle qui l'interrogeait des yeux, mais il fut impassible. « Ne nous ferez pas vous un peu de musique, mademoiselle ? » lui dit-il avec une douceur exquise. « Non, monsieur, lui répondit Camille avec un charmant sourire. C'est assez d'en faire par nécessité. « Je n'en fais jamais pour mon plaisir. »« Mais celui des autres, » insista le galant célibataire. Camille haussa les épaules comme pour dire que le plaisir des autres lui paraissait peu de chose. Mirmont répondit à son sourire par un petit rire discret, et tous deux se mirent à rire ensemble pendant une seconde. « Causons, alors, » dit-il en présentant une chaise à la jeune fille. « Aimez-vous le théâtre ?» Ils causèrent environ une demi-heure, après quoi Mirmont se leva, convaincu que Camille avait un secret et qu'elle était fort habile, ce dont une moitié seulement était vrai. Il se promit de pénétrer le secret et de s'en servir s'il était possible. Quand tout le monde fut parti, M. et Mme Froger s'extasièrent en duo sur la bonne ordonnance de leur fête, dont rien n'avait troublé l'harmonie. « Et toi, Camille, as-tu passé une bonne soirée ?» demanda la tante au moment où l'on se séparait pour la nuit. « Tu dois être contente de voir revenir les petits Bricard. Cela va te faire une société. Mais oui, ma tante, je vous remercie, répondit la jeune fille en tirant sur elle la porte de sa chambre. Pourvu que je ne le revoie pas, se dit-elle quand elle fut seule. C'est mon seul espoir, mon seul salut.